Les réponses du porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée sur notre position dure aux tentatives d'adoption d'une nouvelle résolution de sanctions des forces hostiles contre la Corée, en mettant en cause notre réussite au lancement expérimental de la fusée balistique intercontinentale façon 14, ont été distribuées le 24 courant comme dossier officiel de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité de l'ONU à 71-985, S 2017-610.